suis né comme tout un chacun. Ça tombait mal, mais ça fait rien. C'était au temps de la morale, avant le planning familial. Le bon Dieu savait tout d'avance. Plus tard, j'ai fait mes premiers pas. Je goûtais chez la dame d'en bas. Et quand j'ai su mon alphabet, maman m'a fait un tablier. Elle n'aimait pas les taches d'encre. Vive l'enfance. J'ai fait ma première communion à l'Immaculée Conception. Tout le monde était bien content. Après, on a bu du vin blanc. C'est la couleur de l'innocence. 1er janvier, premier baiser, faisait soleil dans l'escalier. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'avais un accro à mon bas. Le gâteau fondait sous la lampe. Vive l'enfance. Mes parents, ils étaient gentils, toujours contents, toujours polis. Les malheureux, quand ils votaient, ça tombait jamais à côté. C'était la crème de la France. Et puis un soir, je me suis envolée. Je ne pouvais plus vivre enterrée. Entre le buffet Henri III et les mots croisés de papa, fallait tout mettre à la brocante. Vive l'enfance. Je ne suis pas allée bien haut, je nage un peu entre deux eaux. Mais des robes comme j'en ai des tas, j'en avais pas de si belles que ça. Quand on m'habillait en dimanche, mais l'odeur du café au lait, des fois ça me ferait pleurer. Mes parents, ils ont dû vieillir. Un jour ou l'autre, ils vont mourir. Faudrait que j'y passe un dimanche. Vive l'enfance.